et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils, lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan entre Tsoréa et Eshtaol. Amen. Nous allons partager quatre vérités tirées de ce passage. Première vérité, Dieu peut changer notre situation. Il a changé la stérilité en fécondité de la femme de Manoach. Le texte dit qu'il y avait cette femme qui était stérile, qui n'enfantait pas. Mais l'ange lui dit, au verset 3, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Je vais dire à une femme, ça fait plus de 10 ans que vous êtes mariée. Les gens t'ont dit de désespérer. Tu es parti voir un médecin. Il t'a dit, toi-même là, tu ne peux pas faire d'enfant. Ton mari même ne peut pas faire d'enfant. On a fait des examens. On a dit, peut-être si vous allez aux États-Unis ou en Europe. J'aimerais te dire que la puissance de Jésus de Nazareth est capable de te toucher maintenant même. Oh, pose tes mains maintenant. Pose tes mains, oui, maintenant, sur toi. Et la puissance de Dieu est capable de te toucher. Crois l'Éternel. Crois que le Seigneur ait pitié de toi. Les gens se sont moqués de toi. Il est capable de changer ta stérilité en fécondité. Et tu peux enfanter même cette fois. Tu peux avoir des jumeaux. Et même dans ta famille, tous ceux qui se moquaient de toi, ils verront qu'il y a un Dieu qui est tout puissant. Oh, alléluia. Je vais demander à un homme, oui, prends ta femme par la main. Vous cherchez les enfants depuis longtemps. Prenez-vous par la main et invoquez la puissance de Dieu. La puissance de celui qui change la stérilité en fécondité. Il vous visite par sa puissance. Il est le Dieu grand. Il change les dés en allégresse. Deuxième vérité. Les actes que les parents posent peuvent influencer la destinée de leurs enfants. Vous voyez? Faisons attention. Je vais parler à une dame. Lorsque tu es enceinte, ne parle pas beaucoup négativement sur l'enfant. Oh voilà, cet enfant, il me tourmente, il fait ceci, cela. Faites attention. Parce que même médicalement parlant, il a été démontré que notre attitude pendant que nous sommes enceintes, pendant que ta femme est enceinte, peut influencer la destinée de l'enfant, soit positivement, soit négativement. Vous voyez ici, ce n'est pas pour rien que Dieu a donné des instructions fermes à cette femme-là, la femme de Manoach. Il dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Au verset 4, il dit, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Vous voyez, c'est à la femme que Dieu demande. Je vais parler à une femme, écoute-moi bien, il y a des choses que Dieu te révèle à toi. Il ne faut pas commencer maintenant à dire à ton mari que lui aussi doit faire ça. Parfois, il y a des révélations personnelles que Dieu donne. Il dit, c'est toi qui as cette responsabilité, parce que c'est toi qui portes l'enfant. Tu ne dois boire rien d'impur, ni vin, ni liqueur forte. Vous voyez, lorsque nous voulons vivre comme des chrétiens ordinaires, il y a des gens, quand Dieu te parle, tu commences à dire, mais à quoi c'est mauvais? Je connais que tout le monde fait ceci, et on peut prendre un peu de vin. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Quand le Seigneur t'appelle à un degré élevé de consécration là, même le vin que les autres prennent là, on dit, il prend un peu, un quart de verre. Toi, il y a des choses que Dieu peut te demander de ne pas faire. Est-ce que tu comprends? Selon les degrés de consécration, les choses que les autres considèrent comme ordinaires, à toi, Dieu te dit, ne fais pas ça. Je vais parler à un jeune prophète. Dieu te donne un grand ministère. Il y a une grande onction sur toi. Mais tu te fais entourer par des prophètes, des gens qui marchent dans une vie de légèreté, des gens qui trompent leurs femmes, des gens qui font de n'importe quoi. Éloigne-toi de ces gens-là, parce qu'ils risquent d'étouffer l'onction que Dieu a mise en toi. Est-ce que tu comprends? Dieu t'appelle à un niveau élevé de consécration, parce qu'à partir de toi, ton ministère fera qu'il y aura une génération de jeunes prophètes, de serviteurs qui vont impacter le monde. Est-ce que tu comprends? Mais il y a des choses dont tu dois t'abstenir. La maman de Samson devait s'abstenir de vin et de liqueur forte, parce que Dieu dit que l'enfant qui va sortir de toi là, c'est un enfant qui sera consacré dès le ventre de sa mère. Vous voyez, d'habitude la consécration, nous attendons que quelqu'un soit appelé et puis on va lui imposer la main. Mais il y a des gens que Dieu a choisi de manière exceptionnelle. C'est le cas de Samson ici. On dit depuis le sein maternel, il était choisi. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde? C'est pourquoi les gens ont cherché à te tuer. Ils ont cherché à faire des complots, les sorciers. Ils n'ont pas pu te vaincre. Parce que Dieu a posé sa main sur toi. Je parle à une jeune fille. Écoute-moi bien. Tu as échappé à la mort. Dieu te dit. Il t'a choisi. Il y a une onction sur toi. À partir de toi, ta famille sera délivrée. Parce que Dieu t'a consacré depuis le sein de ta mère. Il y a une mission que tu vas accomplir dans ta famille. Ne vis pas comme les autres filles. Troisième vérité. Lorsque nous recevons une révélation de la part de Dieu, surtout lorsque nous sommes en couple, nous devons savoir communiquer. Je vais parler à une femme. Dieu te donne beaucoup de révélations. Tu as cette grâce-là. Mais il y a des choses que tu dois apprendre à partager avec ton mari. Il ne faut pas dire, si je lui dis, il ne va pas me croire. Ça, ce n'est pas ton problème. Vous voyez, cette femme-là, elle a partagé. Elle ne cachait rien à son mari. Souvent, c'est les problèmes de communication qui créent des problèmes dans nos couples. Vous ne communiquez pas. Tu gardes des choses dans ton cœur. Apprends à communiquer, partager. La Bible nous dit au verset 6, « La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte. » Tu vois, la femme n'a rien caché. Je vais parler à un monsieur. Regarde-moi bien. Toi, tu caches jusque-là à ta femme ton salaire. Ce n'est pas normal pour un chrétien. Il faut apprendre à communiquer. Il faut qu'il y ait la transparence dans un foyer. Apprenons à communiquer. Et nous voyons ici que son mari avait une attitude positive. Je vais parler aussi à un monsieur. Quand ta femme là te partage parfois des songes, des révélations, il faut être souple. Ne sois pas trop cartésien en disant « Est-ce que c'est vrai ?» Dieu peut parler à ta femme. Sois souple. Vous voyez, Manoach a entendu attentivement ce que sa femme lui a dit. Il n'a pas dit non, ça c'est faux, ça c'est... Et il a suivi, il a pris au sérieux. Et il a fait une prière pour dire, Seigneur, fais venir cet homme. Il est prenait pour un homme de Dieu. Que tu as fait venir vers ma femme. Et la Bible dit que Dieu exauça sa prière. Vous voyez, dans un couple, quand nous regardons dans la même vision, la même direction, même nos prières seront orientées et Dieu va accomplir de grandes choses. Au lieu de commencer à trop discuter avec ta femme, est-ce que je vais analyser d'abord... Entre dans la prière comme Manoach a fait. Et tu verras que Dieu lui-même va te révéler si ce qu'elle a reçu vient de Dieu ou pas. Vous voyez? Au lieu d'être toujours cartésien, en train de raisonner, de réfléchir. Si Manoach était en train de raisonner, de réfléchir, ils allaient louper peut-être la bénédiction. Vous voyez? Quatrième vérité. Ne faisons pas de confusion. Celui que nous devons adorer. Celui à qui nous devons nous consacrer, à offrir nos vies comme sacrifice, c'est Dieu. On ne peut pas adorer un ange. Ceux qui enseignent aujourd'hui qu'on peut invoquer un ange, ils se trompent. C'est une fausse doctrine, une hérésie. Nous voyons ici, celui qui est venu, c'est l'ange de l'Éternel. Lorsqu'il est venu, Manoach a voulu lui offrir un holocauste, un sacrifice. Il a dit, on ne peut pas m'offrir un sacrifice, il faut le faire à Dieu. Ne confondons pas Dieu et les anges. Les anges sont des créatures de Dieu. Il est dit au verset 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach. Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous préserve et qu'il nous aide à mieux le connaître pour éviter de telles erreurs. Nous allons le louer en chantant ces chants. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Majesté, majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité du haut des cieux. Son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, bénis le nom de Dieu. Nous t'élèvons dans nos vies, éternel notre Dieu. Toi, le seul digne d'être élevé, le seul digne d'être glorifié, le seul digne d'être magnifié, nous te glorifions, ô notre Seigneur. Toi, le seul digne d'être adoré, sois béni, notre Dieu, notre Seigneur. Toi, le Dieu qui veut que nous puissions mieux te connaître, sois béni. Toi qui te révèles à nous jour après jour, nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu qui ne cesse de nous parler. Oui, tu es le Dieu élevé, mais tu as accepté de traiter alliance avec nous de faibles créatures. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous te glorifions. Merci pour l'alliance éternelle que tu as traitée avec nous. Oh, que l'honneur te revienne, notre Seigneur, notre Dieu. Merci de nous aider à garder cette alliance et à pouvoir t'écouter jour après jour et obéir à tes instructions. Merci, Seigneur, pour le couple que tu soutiens maintenant. Et merci de donner une même vision, Seigneur, au couple. Et que réellement ta main puissante soit posée sur chaque couple qui nous suit maintenant. Oh, sois béni, toi, le Dieu qui nous bénit à cause de ton nom. Merci de bénir nos maisons, de bénir nos enfants. Merci, ô Père, toi, le Dieu qui nous comble de toutes sortes de bénédictions pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Le passage du jour, c'est Juge 13, 1 à 24. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités. L'une de ces vérités est que Dieu est capable de changer la stérilité en fécondité. Que ce soit la stérilité physiologique, que ce soit la stérilité spirituelle, que ce soit la stérilité financière, toi dont les affaires ne marchent plus, tu vas invoquer le nom du Seigneur, sa puissance pour dire: Seigneur, change ma stérilité en fécondité au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te bénissons pour tous tes hauts faits. Nous te bénissons parce que tu es celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Ce matin, Père éternel, nous prions pour demander la manifestation de ta grâce dans la vie de tes enfants. Nous prions, ô Père éternel, et nous t'implorons, nous demandons que tu changes notre stérilité en fécondité. Ceux qui souffrent de stérilité physiologique, ceux qui souffrent de stérilité spirituelle, nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que tu interviennes dans leur vie et que tu transformes leur vie. Ceux qui pleurent pour le fruit des entrailles, bénis-les, ô Père éternel, bénis leur couche dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui souffrent de stérilité financière et matérielle, toi qui pourvois à tous nos besoins. Nous demandons au Père éternel que tu pourvoies à leurs besoins. Nous prenons autorité sur toute forme de sécheresse financière. Nous prenons autorité sur toute forme de sécheresse matérielle. Et nous proclamons la fécondité dans les affaires, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la fécondité dans les familles, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, ô Père éternel, toi qui délivres tes enfants de la tourmente, toi qui relèves ceux qui sont abattus, toi qui essuies les larmes de ceux qui sont en pleurs, toi qui guéris ceux qui sont malades. Nous te bénissons et nous te glorifions à tous égards. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous voyons combien Dieu nous demande de nous consacrer à un certain degré de consécration. Et lorsque Dieu t'appelle à un degré élevé de consécration, il y a des choses dont tu dois t'abstenir. Il y a ici les parents même de Samson, sa maman, plus précisément, ne devrait boire ni vin ni liqueur. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que toi qui m'entends, il y a des choses que Dieu t'a dit, ne fais pas ça. Mais toi, tu veux faire comme tout le monde. Demande à Dieu de te donner la grâce de t'abstenir de certaines choses. Parce qu'il t'appelle à un degré élevé de consécration. Tu dois t'abstenir. Tu dois cesser d'être un chrétien ordinaire afin que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier même pour tes enfants. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu nous aimes à un amour éternel. Tu nous as rachetés. Tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes la lumière du monde. Et notre corps est le temple de ton esprit. Seigneur, tu nous amènes à nous consacrer à toi, à nous disposer pour toi. Parce que sans la sanctification, personne ne pourra voir ta face. Ce matin, nous voulons t'implorer. Nous voulons te prier. Nous voulons te supplier. Nous voulons te dire que nous nous consacrons à toi. Nous nous dédions à toi. Nous nous remettons dans tes mains à travers ta parole que nous voulons lire tous les jours, à travers nos prières. Notre Dieu, devant la tentation, a fui la tentation, à toujours nous repentir, confesser nos péchés et chaque fois te demander pardon, nous engager dans l'Église. Nous voici et nos familles, nous voici dans l'Église et notre ministère, nous voici Seigneur. Fais de nos vies ce que tu veux et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance de la communication dans un couple. Cette femme a reçu la visite d'un ange et elle a partagé avec son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, prions pour des couples actuellement qui ne savent pas communiquer. Il y a des femmes qui cachent des choses à leur mari. Il y a des maris qui cachent des choses à leur femme. Et le manque de communication est à la base de beaucoup de problèmes dans le foyer. Prions pour que Dieu brise toutes ces barrières-là et que nous soyons ouverts pour communiquer dans notre foyer, dans notre famille, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Grand Dieu, sois loué et sois béni. Toi qui es l'initiateur, le constructeur, toi qui es le promoteur, le créateur de toute famille, merci d'avoir suscité l'homme. Merci, Seigneur notre Dieu, de faire une aide à l'homme afin que les deux ne soient plus un, mais une seule chair. Père, nous prions que les familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à se communiquer, qui n'arrivent pas à dialoguer, qui n'arrivent pas à parler sincèrement, à prier ensemble, à méditer ensemble, que ce Père, que cette mère le fasse maintenant, que cet époux et cette épouse se mettent ensemble, renoncent à leur moi, renoncent à leurs pensées négatives, renoncent à leurs œuvres, renoncent à leurs palabres, renoncent à leur mépris, à leur dédain, renoncent à leur égoïsme, renoncent à leur moi, et que père, ce frère et cette sœur mariés se mettent d'accord pour communiquer sur tout sujet, sur tous les sujets. Oui, qu'ils se parlent sincèrement dans la chambre, devant toi. Merci, papa, d'honorer ta parole dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci de visiter un homme afin qu'en cette journée, il renonce à l'égoïsme et qu'il dise tout à sa femme. Merci d'unir ce couple. Merci de mettre l'amour, la communion fraternelle, la paix, la joie, d'aller à l'église, de visiter les voisins, de visiter les parents, de prier pour les autres ensemble et de faire ton œuvre ensemble. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous voulons rappeler que ce dimanche 25 octobre, nous n'aurons pas notre rencontre bonheur conjugal pour permettre à ceux qui doivent aller voter à accomplir leurs devoirs civiques. Mais nous allons nous retrouver le dimanche 1er novembre. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain.